Le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé les messages de félicitations aux ouvriers et cadres du complexe de ciment de Suncheon et aux scientifiques et cadres de l'Institut de l'informatique et de l'Académie nationale des sciences qui remportent des succès dans la campagne de 200 jours. Les meetings de remise des messages de félicitations ont eu lieu le 14 courant sous la participation des officiels intéressés et des personnels. Dans son message, le comité central du Parti du Travail de Corée a estimé haut les succès des ouvriers et cadres du complexe de ciment de Suncheon et les scientifiques et cadres de l'Institut de l'informatique de l'Académie nationale des sciences qui, soutenant la décision du 7e congrès du parti, sont à la tête de la campagne de 200 jours plein de confiance en la victoire. Il y a eu les interventions suivies de l'adoption des textes de résolution. Par ailleurs, le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé également le message de félicitations aux agriculteurs de la ferme coopérative de Samjigang de l'arrondissement de Cheryong qui déploie de grands efforts pour auréoler de l'augmentation de la production céréalière la campagne de 200 jours. Le service de remise du message s'est tenu le même jour.